بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour resplendissant, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Certes, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Dieu et qui déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie menant à la félicité. Quant à celui qui, avare, empli de suffisance, traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie menant à la plus grande difficulté, et ses richesses ne lui serviront à rien quand il mourra. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. C'est à nous certes de guider, et c'est à nous certes qu'appartiennent l'au-delà et la vie présente. Je vous ai donc mis en garde contre un feu flamboyant, où seul brûlera le damné, qui aura rejeté la vérité et s'en sera détourné. Mais en sera très éloigné le pieux, qui donne de ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'une faveur intéressée, si ce n'est le désir de plaire à son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait.